Soyez, j'ai atteint le plus pur découpage. Ça y est, je me suis fait anthropophage. Appétit français, tu crois échapper à tout ça. Mais la gardère est Bolloré, travaille aussi pour moi. Petit fumeur, te crois-tu indépendant quand tes feuilles slimes proviennent des usines? J'ai revendu au diable tous mes penchants pour m'enrichir à coups de usine. J'ai revendu jusqu'à la dernière goutte de pétrole, étendu mon budget jusqu'aux plaines du Texas. Mon copyright sur chaque nom de métropole, et les diplomates croient être plein aux as. J'ai même inventé l'imagination et j'ai le monopole sur toutes tes religions. Raison internet bout dans mes artères et les perfusions d'or me rapprochent vers la lumière. J'ai l'impression que mes muscles se déchirent. J'ai même le sentiment que mon cœur va s'ouvrir. Le sang de tous les mourants fait mon breuvage sur la mondialisation est imprimé mon brevet. Non, c'est pas me parler, j'ai très bien pu construire la terre, mais je sais que le sida aussi assure mes arrières. Chaque geste que je fais est un ultimatum. Mon pouvoir m'écrase sous le poids de plusieurs tonnes. Chaque geste que je fais est un ultimatum. Et mon pouvoir m'écrase sous le poids de plusieurs tonnes. Un chien drogué en manque vient de se réveiller au collège. Gerbe la tremblante, mais jusqu'à quand ça va durer? Balance la plaque tournante, c'est un fou dans le dauphiné. Je serai vous, je laisserai pas ma gosse traîner dans le quartier car à 6 heures. Y'a pas plus féroce que l'héroïne et ses dealers. Ceux-là détruisent chaque jour des familles qui voient tomber leur fils dans l'héroïne. La pute qui les rend tous dépressifs. Mais que fait la police? Ça pue la misère, son goût est ta mère. Et il arrive que ton copain la fasse goûter à ton anniversaire. Il la coupe à l'éther. Pendant qu'ils s'enrichissent, tu mourris au cimetière. Ils succombent souvent au vice. T'auras besoin d'argent tout le temps. Car sans maille, pas de drogue, c'est évident. La première est gratuite, mais par la suite, il faudra assumer devant tes créanciers. Alors moi, je parlais à cette jeunesse qui commet des maladresses et qui néglige le stress que la drogue peut provoquer. Alors moi, je parle à cette jeunesse qui commet des maladresses et qui néglige le stress que la drogue peut provoquer. Alors moi je parle à cette jeunesse qui connaît des maladresses et qui néglige le stress que la drogue peut provoquer. Bon alors, putain de ta mère, la terre enculée. On continue.